Job chapitre 23. Mais Job répondit, et dit, encore aujourd'hui ma plainte est pleine d'amertume, et la main qui m'a frappé, s'appesantit sur moi au-delà de mon gémissement. Oh, si je savais comment le trouver, j'irais jusqu'à son trône. J'exposerais mon droit devant lui, et je remplirais ma bouche de preuves. Je saurais ce qu'il me répondrait, et j'entendrais ce qu'il me dirait. Contesterait-il avec moi par la grandeur de sa force? Non, seulement il proposerait contre moi ses raisons. C'est là qu'un homme droit raisonnerait avec lui, et que je me délivrerais pour jamais de mon juge. Voilà, si je vais en avant, il n'y est pas, si je vais en arrière, je ne l'y apercevrai point. S'il se fait entendre à gauche, je ne puis le saisir, il se cache à droite, et je ne l'y vois point. Mais quand il aura connu le chemin que j'ai tenu, et qu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or sort du creuset. Mon pied s'est fixé sur ses pas, j'ai gardé son chemin, et je ne m'en suis point détourné. Je ne me suis point aussi écarté du commandement de ses lèvres, j'ai serré les paroles de sa bouche, plus que ma provision ordinaire. Mais s'il a fait un dessein, qu'il en détournera? Et ce que son âme a désiré, il le fait. Il achèvera donc ce qu'il a résolu sur mon sujet, et il y a en lui beaucoup de telles choses. C'est pourquoi je suis troublé à cause de sa présence, et quand je le considère, je suis effrayé à cause de lui. Car le Dieu fort m'a fait fondre le cœur, et le Tout-Puissant m'a étonné. Cependant je n'ai pas été retranché de devant les ténèbres, et il a caché l'obscurité arrière de moi.